L'actualité à Nancy et ailleurs. Le Noël des animaux à la SLPA d'Amans, ce sera ce dimanche 17 décembre. Lille Labarre, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la SLPA Lorraine, le refuge d'Amans. Pouvez-nous dire un petit peu comment on le trouve ? Il est derrière SL et Nancy, entre SL et Nancy et Champenoux. Voilà, on va donc découvrir le Noël des animaux. En studio aussi, nous avons Lily Rose. Bonjour Lily Rose. Bonjour. Qui est en stage et qui va assister à cette interview. Pour faire un petit peu le portrait aussi de la SLPA d'Amans à la ferme de la Fourasse, vous accueillez combien de pensionnaires ? Oh là, énormément. Énormément. Énormément. Et puis en fait, ce qui se passe aussi en ce moment, c'est qu'on accueille des nouveaux pensionnaires, les NAC, des nouveaux animaux de compagnie. C'est tout ça. Ce qui est hamster, cochon d'Inde, lapin, tortue, serpent, il y en a de plus en plus en fait. Venons-en déjà à cet événement, à le Noël des animaux, ce dimanche 17 décembre. Qu'est-ce qui représente pour vous ce rendez-vous ? Et pourquoi l'organiser ? C'est le Noël des animaux et en fait, on espère recevoir plein de monde parce qu'on fait un marché de Noël et tous les bénéfices seront reversés à la SLPA. Et on a mis les petites chaussettes de chaque animal au refuge. Si les gens veulent leur faire un petit cadeau de Noël avant l'heure, ça serait sympathique. Donc ça se passe le dimanche à partir de quelle heure ? 13h. À partir jusque de 18h. On va pouvoir visiter le refuge ? Oui, il y a des visites guidées sur le refuge. Il y a des stands pour acheter des petites choses du marché de Noël. Il y a un stand aussi de gourmandise. Donc voilà. Vous avez dit qu'il y avait des stands, donc il y a des artisans locaux qui viennent aussi un petit peu ? Oui, alors il y a surtout une association que je remercie aussi, c'est les Mamies Chabricoles. Donc en fait, actuellement, tout au long de l'année, ils nous fabriquent des petites choses qu'ils vendent et tout est entièrement reversé à la SPA. Ces rendez-vous-là ils permettent de faire connaître la SLPA, mais aussi de faire vivre la SLPA parce que vous ne vivez que de dons, c'est oui, ça ? Oui, c'est bien ça. Pour revenir sur les animaux que vous accueillez, vous nous avez dit qu'il y a de nouveaux types, les NAC. NAC, ça veut dire ? Nouveaux animaux de compagnie. Nouveaux animaux de compagnie, donc ça concerne les tortues, les cochons d'Inde. Les serpents, cochons d'Inde, lapins, hamsters, gerbilles, rats. Voilà. Là, on accueille même deux pigeons, donc voilà. Même deux pigeons, voilà. Pour vous dire, voilà. Alors quand vous voyez justement ce type d'animaux arriver, comment vous procédez ? Parce qu'on n'est pas forcément formé aussi à pouvoir accueillir ce type d'animaux. Comment ça se passe ? Vous avez des bénévoles, bien sûr, qui s'en occupent ? On a des bénévoles. Et puis là, notre directrice est partie sur Toulouse se former pendant 15 jours aux tortues. Et un employé va partir, lui, pour faire les serpents. Et pendant ce temps, il y a combien de bénévoles qui font tourner le refuge ? Alors en fait, il y a les bénévoles du matin qui aident à faire le ménage et les chatteries et les promeneurs. Les promeneurs sont là juste uniquement pour promener les animaux et les bénévoles pour les chats sont là plus pour faire le ménage. Donc les promeneurs, n'importe qui peut se proposer pour rendre ce service-là, comment ça se passe ? Oui, mais c'est sous condition d'une adhésion financière. En fait. Bien sûr, de devenir adhérent de l'association et après, ils peuvent venir... Autant de fois qu'ils veulent. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup déjà de promeneurs de chiens, parce qu'après, on ne peut pas non plus donner n'importe quel chien à n'importe quel promeneur, selon le passé du chien. Mais c'est vrai qu'on a besoin surtout de bras le matin aux chatteries pour nettoyer. Donc ce rendez-vous du 17 décembre, outre l'aspect festif du Noël des animaux, ça permet de venir vous rencontrer aussi, d'échanger là-dessus ? Oui, tout à fait. Dans votre cas, Lily Labarre, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager au sein de la SLPA d'Amans ? C'était une histoire personnelle où j'ai fait un burn-out post-Covid. J'étais vraiment au plus mal et je me suis dit qu'est-ce que j'ai voulu faire, que je n'ai jamais pu faire à cause de mes horaires de travail. Et là, je me suis mis bénévole à la SPA et ça a été mon Disneyland Paris. C'est vrai ? Ah ouais ! Ouais. Ça a provoqué une réorientation professionnelle aussi ? Oui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui alors ? J'ai une entreprise de garde d'animaux. Je fais des visites, des balades, des pensions. Ça, c'est juste pour la petite pub. On est aussi dans une période pré-fête de fin d'année aussi, où parfois, on peut avoir l'idée d'offrir un animal à Noël. Je suppose que c'est l'occasion de dire que ce n'est pas forcément toujours une bonne idée ? Oui, non. Non. En fait, il y a beaucoup de personnes qui offrent un lapin, que ce soit à Noël ou à Pâques. Et forcément, ils ne se renseignent pas sur les conditions de vie d'un lapin. Et donc voilà, on a la cage, on a tout. Et après, le lapin est abandonné parce qu'il est agressif. Donc moi, je dis souvent aux gens, vous imaginez être enfermé 24/24 dans vos toilettes ? Eh ben non. En fait, avant l'adoption d'un animal, il faut se renseigner sur ses besoins et ses conditions de vie. Donc le plus simple, c'est venir à votre rencontre pour en parler aussi, venir voir les bénévoles et échanger sur cette question d'adoption, pas faire ça sur un coup de tête. Oui, tout à fait. En plus, les animaliers, que ce soit à Velaine ou à Mans, sont au top. Donc n'hésitez pas à leur poser plein de questions. Voilà, le Noël des animaux, ça c'est au refuge d'Amans, à la ferme de la Fourasse. C'est ce dimanche 17 décembre à partir de 13h, vous oui. L'avez dit. Mais sinon, le refuge, il est ouvert tous les jours. Amans est ouvert tous les jours, sauf le jeudi, parce que c'est visite vétérinaire pour tout le monde. Et Velaine est ouvert tous les jours. Après, il faut bien faire attention aux horaires d'été et d'hiver. Bien sûr. Merci beaucoup, Lily Labar. Merci à vous de m'avoir reçu. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.